Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahullah. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué le fait que le prophète Mohammed ﷺ, lorsqu'il était encore enfant, fut allaité chez les Bani Sa'd. Les Bani Sa'd qui sont les descendants de où c'est une tribu Qaïsiya de Qais Aylan, qui eux-mêmes sont descendants de Adnan. Cette tribu était connue tout particulièrement pour son éloquence. Voilà pourquoi la plupart des enfants de Quraysh allaient là-bas dès leur plus jeune âge pour aussi apprendre l'arabe de manière éloquente et ne pas être mélangés avec les non-arabes parmi les commerçants de la Mecque jusqu'à entacher leur langue maternelle. Nous avons évoqué, inshallah tabaraka wa ta'ala, un événement important qui a eu lieu à trois reprises, comme nous allons le voir, inshallah tabaraka wa ta'ala. C'est l'ouverture de la poitrine du prophète, alayhi salatu wa salam. Cette ouverture survint à trois moments différents qui sont espacés dans le temps. La première eut lieu alors que le messager, alayhi salatu wa salam, n'avait que 4 ans. Alors qu'il jouait avec des enfants des Bani Sa'd, cette ouverture avait pour conséquence de retirer la part de Shaitan qu'il y avait en lui, pour retirer la part de Satan ou de Shaitan qu'il y avait en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons nous attarder un moment sur cette première ouverture. La deuxième eut lieu peu avant la prophétie, ou au début de la prophétie, et ceci afin que le messager al-Sat-Wa-Salam accomplisse sa mission dans les meilleures conditions et qu'il reçoive la révélation avec force, certitude et fermeté. La troisième eut lieu à la Mecque peu avant le voyage nocturne et l'ascension dans les cieux, al-Isra ou al-Mi'raj. Cette troisième ouverture avait pour objectif de préparer le prophète al-Sat-Wa-Salam à voir et à accueillir les différentes choses qu'il verra dans les cieux, et qu'il soit prêt aussi à s'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous reviendrons, inshallah, sur ces deux dernières ouvertures en détail au moment voulu. Ibn Hajar, quant à lui, rahimallah tabaraka wa ta'ala, souligne que les trois ouvertures, qui sont somme toute trois purifications, sont à l'image de la purification du croyant lorsqu'il fait ses ablutions. Il lave les membres 3 fois. Nous allons nous intéresser à cette première ouverture de poitrine, alors qu'il était encore en France, sallallahu alayhi wa sallam, chez les Bani Sa'd. Et l'imam muslim rapporte, d'après Anas, radiallahu anhu, que Jibril, alayhi salatu wa sallam, s'était présenté au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui-ci jouait avec les garçons. Il le saisit, le terrassa, fendit sa poitrine et sortit son cœur, duquel il sortit un morceau, et dit: voici la part que Satan a de toi. Il lava ensuite ce morceau dans une cuvette en or avec de l'eau de Zamzam, la banda et la remit à sa place. Les garçons se précipitèrent vers sa mère, c'est-à-dire vers sa nourrice, Halima, et dirent: on a tué Mohammed. Et les gens accoururent vers lui et le trouvèrent pâle, comme quelqu'un qui serait malade. Anas, radiallahu anhu, le rapporteur du hadith, dit avoir vu l'effet de l'opération sur sa poitrine, c'est-à-dire les traces de couture sur sa poitrine. Il ne fait aucun doute que cette purification du cœur de la part de Shaitan est comme une préparation anticipée à la prophétie et son immunité contre le mal et l'adoration à autre qu'à moi. Il ne subsistera dans son cœur que le tawhid, sallallahu alayhi wa sallam. Et toute sa jeunesse prouve cela d'ailleurs. Il ne commit aucun péché, et jamais ne se prosterna devant une idole malgré leur présence notoire et conséquente parmi son peuple. Il y a une autre version du hadith qui est authentique, qu'a authentifié Cheikh Hulal Albani, avec quelques détails supplémentaires qu'il est bon de citer. D'après Utba ibn Abd al-Sulami, radiallahu anhu, qui a dit qu'un homme questionna le prophète, alayhi salatu wassalam, « Que se passa-t-il au début te concernant, ô messager d'Allah ?» Il répondit, « Je fus élevé chez les Bani Sa'd ibn Bakr. Je partis avec un des enfants de Halima, un de ses enfants, accompagné d'un troupeau. Et nous n'avions pris aucune provision avec nous. Je dis alors, ô mon frère, pars chercher des provisions auprès de notre mère, à savoir Halima. Il partit, et je restai auprès du troupeau lorsqu'arriva deux oiseaux blancs, tels deux faucons. L'un d'eux dit à l'autre, est-ce bien lui? Et l'autre de répondre, oui. Alors ils se précipitèrent vers moi, cette fois-ci sous l'apparence de deux hommes, me saisirent et me mirent à terre sur le dos et commencèrent à m'ouvrir le ventre. Ils en sortirent le cœur et l'incisèrent jusqu'à en sortir deux morceaux noirs. L'un d'eux dit à l'autre, « Amène-moi de l'eau de neige. » Il s'en servit pour laver l'intérieur de ma poitrine, puis dit, « Apporte-moi de l'eau fraîche. » Et il lava par cette dernière mon cœur. Puis il dit, « Apporte-moi la quiétude. » Es-sakina. Et lorsqu'elle lui fut apportée, il la répandit et la dissémina dans mon cœur. Puis l'un des deux dit à l'autre, « Recous-le. » Il le recousut et posa le cachet de la prophétie. Puis l'un des deux dit à l'autre, « Pose-le sur le plateau d'une balance et pose 1000 personnes de sa communauté sur l'autre plateau. » Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est alors que je regardais et vis ces 1000 personnes au-dessus et je craignis que certains d'entre eux ne tombent sur moi. Puis il dit, puis l'ange de répondre ou de reprendre, si sa communauté était pesée face à lui, la balance pencherait de son côté. Puis les deux hommes partirent et me laissèrent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, j'eus extrêmement peur et je partis vers ma mère Halima et l'informa de ce que j'avais vécu. Je craignais d'avoir été troublé ou être devenu fou. Elle dit alors qu'Allah te protège. Elle prépara une monture, me plaça sur la selle et monta derrière moi et nous partîmes jusqu'à ce que nous arrivâmes chez ma mère, c'est-à-dire à Amina, à Mecca, à la Mecque. Elle, Halima, dit alors, j'ai accompli ma tâche et dégagé ma responsabilité. Je lui racontai alors ce que j'avais vu et cela ne l'étonna pas. Elle dit, c'est-à-dire à Amina, la mère du prophète, j'ai certes vu sortir de moi une lumière qui éclaira les palais du Shem, c'est-à-dire lorsqu'elle l'enfanta. Voilà comment se termine le hadith. Ceci est la première ouverture de poitrine du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est une purification de la souillure de Shaitan. Et cela, en extirpant ses deux morceaux noirs, en lavant son cœur et en le remplissant de quiétude et de miséricorde, et en apposant le cachet de la prophétie, de telle sorte que le shaitan n'eut plus aucune influence sur lui. Jamais durant toute son enfance, sallallahu alayhi wa sallam, il ne se prosterna devant une idole. Jamais il ne sacrifia pour autre qu'Allah. Jamais il ne consomma de vin ou d'alcool. Et lorsqu'il voulut même relever un jour son izar, c'est-à-dire son vêtement du bas, afin de porter les pierres de la Kaaba pour sa reconstruction, il tomba évanoui et Allah ainsi le préserva de montrer sa nudité. En se réveillant, il fixa le ciel, puis se leva et dit « Mon izar, mon izar ». Tout ceci nous prouve de manière claire et limpide que le prophète, alayhi salatu wassalam, dès son plus jeune âge, a été immunisé contre l'erreur, a été immunisé contre les péchés, a été immunisé contre la mécréance et l'idolâtrie. Et il fallait bien ceci de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour que le prophète alayhi salatu wa salam puisse conduire sa mission à terme et mener sa mission à terme. Cet événement de chaque sadr, c'est-à-dire l'ouverture de la poitrine, poussa, Al-Harith ibn Abdel Uzza, le mari de Halima, a renvoyé Muhammad a.s.w. chez sa mère et son grand-père, Abdel Muttalib. Car Halima prit peur pour lui et voulait se dégager de cette responsabilité malgré le fait qu'elle l'aimait et s'était attachée à lui. Le messager avait alors 5 ans. Il resta chez sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Il était rapporté que pour la commémoration du décès de son mari, Amina se proposa d'aller en visiter la tombe à Yathrib, à Médine. Elle sortit de la Mecque pour un voyage long de 500 km, en compagnie de son enfant orphelin Muhammad a.s.w. et de sa servante Umm Ayman et de Abdel Muttalib, le grand-père. Elle resta un mois à Yathrib avant de prendre le chemin du retour. À mi-chemin, elle fut frappée d'une maladie qui s'aggrava tellement qu'elle en mourut, à Abwa, qui est une ville ou un endroit entre la Mecque et Médine. Le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam fût orphelin eut un impact notoire sur sa personne. Il est né orphelin de père et perdit sa mère à l'âge de 6 ans, comme le rapporte Az-Zuhri dans ses marasil, c'est-à-dire dans les narrations qu'il rapporte du prophète alayhi sallam sans citer le compagnon. Tout ceci et tous ces événements qui sont survenus très tôt dans la vie du prophète alayhi sallam vont forger son caractère, forger sa personnalité. Ceci aussi soulève une sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah voulut que son messager soit entièrement attaché à lui et qu'il n'ait pas cette dépendance qu'ont la majorité des gens vis-à-vis de leurs parents, voire un amour excessif vis-à-vis de leurs parents à en oublier Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète a un statut exceptionnel. C'est le guide pour l'humanité. Il se doit d'être irréprochable. Il se doit d'être immunisé contre toute erreur. Il se doit d'être un modèle parfait pour les générations postérieures. Et de ce fait, Allah tabaraka wa ta'ala l'a mis dans les meilleures conditions pour qu'il puisse accueillir la prophétie. Comme je vous l'ai cité au début de mon cours, le prophète alayhi salat wa salam subira à 2 reprises encore cette ouverture de poitrine pour d'autres raisons que nous verrons inshallah tabaraka wa ta'ala lorsque nous parlerons de ces épisodes. Nous évoquerons demain inshallah tabaraka wa ta'ala suite à la mort de sa mère que son grand-père Abdul Muttalib se chargera de son éducation, le prendra sous sa tutelle jusqu'à sa mort, puis nous parlerons de son oncle Abu Talib. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.